changer nos branchements. Hop, je te donne le son. Ça va faire beaucoup de bruit. Ça va faire énormément de bruit. Attention. Attention, vous. Voilà, on va demander à lui de switcher d'un ordinateur à l'autre. Est-ce qu'il faut que je prenne le micro? Comment ça se passe? C'est pour l'enregistrement ou pour la salle? Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer le mien. Ah non, ouais, mais ça sera plus facile pour toi. Okay, tu vois, comme ça, tu vas être tranquille. Sérieux. Hop. On va mettre ça là, ça te va. Ça t'embête pas? Non, c'est très bien. Et moi, je vais prendre ça. C'était... hop, je vais l'allumer. L'idée de faire des thématiques et de parler de son, c'est aussi, je pense, le dialogue, on va dire. Alors, au moins une ou deux personnes que je connais qui font souvent eux-mêmes leur propre son, qui peuvent faire leur propre son, leur propre musique. Vous allez voir Jean-Baptiste qui est là. Je ne sais pas si j'ai vu tout à l'heure Bastien. Oui, il est là. Il est pas juste. Qui a fait Session 672, que certains d'entre vous ont vu avec un travail sur les vinyles. Et alors, ce n'est pas lui sa propre musique, mais il peut travailler aussi. Il est à la fois musicien et animateur. Et avoir ça, c'est vrai que le dialogue entre les gens du son et les gens de l'animation visuelle est un peu mystérieux. Des fois, il y a quelque chose qui n'est pas évident. Et juste une petite anecdote avant justement que Loïc nous parle un peu plus. Justement, à AnimaFest, au niveau du jury, il y avait deux personnes qui étaient dans le jury. Il y a Peter Lord, donc, créateur d'Arman, Normand Roger. Et Peter Lord disait, c'est étonnant parce qu'à chaque fois qu'il parlait d'un film, Normand Roger insistait sur le son. Et même disait, oh, non, mais là, ça va vraiment pas parce que là, ça fonctionne pas, etc. Peter Lord disait, pourtant, je suis quelqu'un... Enfin, je sais que la musique, quelque part, me parle, évidemment, et me fait réagir. Et il disait, mais je suis incapable d'en discuter, je suis incapable de comprendre pourquoi d'un seul coup ce son-là me fait ça, mais il disait par contre c'est passionnant parce que quand Normand Roger disait ben, non, là ça fonctionne pas et là c'est ceci, ou en tout cas pour lui évidemment dans sa pratique du son, d'un seul coup il y avait quelque chose de passionnant. Donc merci beaucoup Loïc qui travaille sur plein de films notamment à La Poudrière, qui est à Valence, et ça fait un bout de temps. Voilà, que je voulais l'inviter et qu'il nous parle un tout petit peu de son travail. Donc on va commencer avec Loïc qui va nous parler de choses assez concrètes, on va dire. Et puis Pierre-Yves nous rejoindra pour parler plus précisément, si il nous rejoindra à un moment donné, pour parler un tout petit peu du travail. Notamment, il collabore avec Franck Dion sur les films, et notamment sur le dernier film, Tel disparaît. Donc il nous parlera un petit peu aussi de ce film précisément. Et malheureusement, on n'avait pas le fichier avec nous, mais Vladimir Leschoff aussi. Son film, c'est la leçon complètement. Il nous parlera aussi de son travail avec Loïc. Je te laisse. Alors, merci de m'accueillir. Moi, je travaille dans le son depuis les années 90 à peu près. Et j'ai commencé comme un... Je voulais faire des grandes écoles et puis ils n'ont pas voulu de moi. Donc je suis allé dans la petite école, c'est-à-dire l'école de tous les jours, d'apprendre le métier en le faisant. Et donc il se trouve que dans mon parcours, très tôt, j'ai rencontré le studio Folimage. Et j'ai commencé un peu comme un seconde main, c'est-à-dire je faisais des petits boulots. Il y a plein d'animateurs, le lip-sync, vous savez ce que c'est. C'est-à-dire je faisais tout ce qui préparait le lip-sync. Les animateurs, ils avaient juste une fiche avec ce que dit le personnage. Donc voilà, j'ai commencé comme ça et finalement, en parallèle de ça, j'ai commencé à me former et à apprendre le métier, à le pratiquer doucement mais sûrement. Et alors l'inconvénient, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment ça marche de faire du son. Et je ne sais pas si je l'ai trouvé, mais en tout cas, je cherche dans ce sens-là. Donc ça, c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est que ça m'a permis de chercher des trucs qui me paraissaient évidents pour moi et pas forcément la pratique en général. Voilà. Et puis, il y a autre chose qui me paraît important. Parce que c'est vrai que voilà, vous êtes tous des gens de l'anime, donc je vais dire un truc qui est bateau, vous savez tous, mais toutes et tous, mais c'est vrai que le son, enfin il y a la principale différence entre faire du son pour le cinéma de prise de vue continue, de fiction ou d'animation, l'énorme différence c'est que quand on est sur un plateau de tournage et qu'on enregistre des comédiens, on a des micro-cravates sur les comédiens, on a une perche, on a une équipe son. Donc à partir du moment où la matière est construite, elle est construite avec le son, alors qu'il se trouve que pour l'animation, il pourrait arriver qu'un réalisateur travaille sur un projet et un projet d'une vie ou de 10, 15, 20 ans et ne consacre du temps au son que dans les 15 derniers jours de la vie de ce film. Donc pour moi, c'est une différence énorme en fait. Une différence énorme entre justement la vue réelle et l'animation. C'est que tout simplement dans l'animation, on commence à partir de rien en termes de son. parce qu'on peut vraiment, enfin voilà, c'est une page blanche quoi. Faire du son pour l'animation, c'est une page blanche. Alors il y a des trucs qui permettent de noircir un peu la page, c'est de commencer par faire des voix, des dialogues. Il y a la musique évidemment, parce que en général quand j'explique mon métier, voilà, je fais du sound design. Ah c'est quoi, d'accord, sound design c'est quoi? Bah je travaille sur des films d'animation. Ah oui d'accord, tu fais les musiques? Ah bah non, non, pas de chance. Ok d'accord, et tu fais quoi? Tu fais les voix? Bah non plus, je fais le reste. Ah, le reste c'est quoi? On connaît pas, on sait pas c'est quoi. Et voilà, bah, le reste c'est tout ce qui n'est pas la musique et les voix, et en même temps c'est aussi la musique et les voix, puisque l'idée c'est que travailler sur le son d'un film, c'est peut-être essayer de réfléchir à vraiment ce que fait toute la bande son et comment tous les éléments de la bande son interagissent et vivent ensemble. Alors pour ça il faut savoir tout bêtement que ben, en animation, enfin en son, il y a plusieurs familles de sons. Dans les grandes familles, il y a la famille des musiques. Là, je rappelle des trucs de base, mais au moins comme ça, après, on peut discuter sur les mêmes bases. Voilà, les musiques, ça, en général, tout le monde sait ce que c'est. Les dialogues, tout le monde sait ce que c'est. Et puis après, il y a trois trucs qui sont, ben, voilà, qu'on commence à découvrir, à connaître. C'est toute la partie ambiance, c'est-à-dire vraiment créer l'atmosphère du lieu dans lequel se passe la scène. Ou ça peut être en plan par plan, ça peut être plus atmosphérique général, etc. Les ambiances, donc, il y a une partie qui s'appelle les bruitages, c'est quelque chose d'un peu bizarre, pourquoi est-ce que c'est à part et que c'est pas comme les effets. Le bruitage, c'est ce que fait un bruiteur quand il a l'image du film, il arrive avec plein d'accessoires, il a tout son bazar, il regarde l'image qui est sur un grand écran et il va reproduire toutes les situations que font les personnages, toutes les actions en général, ça se réfère vraiment aux actions. Et donc le bruiteur va reproduire ses actions, on va l'enregistrer via des micros, via un ou plusieurs micros, et comme ça on peut donner une espèce de vie aux personnages que l'on voit, parce qu'il faut bien se dire qu'ils ont rien, les personnages en anime particulièrement, ils ont rien, c'est-à-dire quand je fais ça, vous êtes peut-être pas collé à moi, mais ça fait un petit bruit, le fait de lever les bras en l'air. C'est pas foudroyeur, mais si j'avais mon kawaii, ça ferait un autre bruit. Mais et donc ces petits sons qu'on appelle les présences, les bodies en anglais, c'est des choses qui permettent vraiment de faire corps avec le personnage. Tout de suite, il y a de petits liens comme ça qu'on va pouvoir faire avec les personnages. Et puis il y a les pas, évidemment. Alors après on va dire, mais c'est bateau, il prend une bouteille, il la pose, il y a tout ça. Les pas, ouvrir une porte, fermer une porte. Mais en fait, c'est tout ce qui va créer le son direct qui n'existe pas. Puisqu'il n'y a pas de son direct en animation, ou rarement, sachant qu'on commence à y venir un peu. Donc voilà, cette phase de bruitage, elle est assez importante. Et parfois même, sur beaucoup de films d'animation, finalement, des fois, il peut n'y avoir que du bruitage. Ou vraiment une espèce de prédominance du bruitage, parce que on fait ça en cabine, à l'image, voilà, c'est le truc le plus rapide qu'on peut faire. Voilà. Après, la dernière famille, c'est les effets, et alors les effets, c'est toujours un peu compliqué de l'expliquer, parce que des fois, ça relève un peu du bruitage, ça relève des ambiances. Les effets, c'est un peu tous ces sons qui sont vraiment liés à la narration, à l'histoire. C'est des éléments qui sont plutôt ponctuels, qui vont revenir comme ça. Évidemment, j'en sais rien. Un avion passe, voilà. Un avion passe, ça ne sera pas une ambiance, un avion passe, parce que s'il raconte quelque chose dans l'histoire, on va voir cet avion passer, donc ça va être un effet. Ça peut être des cris de monstres, ça peut être le chant d'un oiseau, parce que cet oiseau-là, on est présent à lui, à l'image. Il sort de l'ambiance générale. Donc voilà, ça fait qu'on travaille comme ça en général dans le son. On travaille avec cinq familles de sons. Donc je répète, les ambiances, les musiques, les paroles, ambiance, musique, paroles, bruitage et effet. Voilà. Et donc finalement, travailler sur le sound design d'un film, c'est essayer de créer quelque chose de... qui a l'air d'être... on ne doit pas savoir, quand on va voir le film, on ne doit pas savoir qu'il y a des ambiances, des effets, des paroles, des bruitages et tout ça. On s'en fout. L'important, c'est qu'on fasse un truc qui a l'air de coller à l'image que l'on voit. Voilà. Moi, c'est ce qui m'intéresse en général. Après, dans mon approche, moi, je dis que je fais du sound design, alors des gens, ça énerve. Dans les génériques, ils ne veulent pas le marquer et tout. C'est quoi? Tu ne peux pas dire, je ne sais pas quoi, illustration sonore. Ah ben non, j'illustre pas... par le son, parce que j'ai l'impression que l'illustration sonore, c'est on entend ce qu'on voit, et j'ai l'impression que dans le film, finalement, c'est ce qui est le moins intéressant. le mec marche, bon bah ok d'accord il marche, mais et alors oui on le fait marcher parce que ben faut bien qu'on l'entende, mais c'est peut-être pas ça qui est le plus important. Par contre la façon dont il marche peut être intéressante, c'est-à-dire que si c'est un gros lourd et qui fait des tout petits pas tout légers, on voudra dire quelque chose par ce biais-là. Donc là, à ce moment-là, oui, ça devient intéressant. Le bruitage devient intéressant pour ça. Et si c'est un personnage tout chétif, tout léger, tout fin, je ne sais rien, comme un petit oiseau, bah, effectivement, une façon de travailler ces bruitages de pas va permettre d'entendre ce petit personnage fragile. Voilà, donc là, ça devient intéressant d'entendre ce qu'on voit. Parce qu'on va avoir envie, à ce moment-là, de raconter, de dire quelque chose. Voilà. Et donc c'est vrai que moi ma cam c'est un peu ça, c'est essayer de trouver les sons justes par rapport aux situations et par rapport à l'histoire qu'on est en train d'essayer de raconter. Voilà. Alors est-ce que je me suis écarté pas trop de tout ce que je voulais dire? Non j'essaie d'avancer doucement, mais en même temps je parle trop vite. Alors il y a des gens qui parlent pas français et qui galèrent ou ça va? Normalement c'est vrai. Parce que moi je m'emballe et je fais plus attention après. Non, c'est bon. Bon, d'accord. Ok. Alors, donc ce travail, en fait, entre toutes ces familles de sons, c'est important parce que c'est vrai que je me souviens quand j'ai commencé, donc dans les années 90, il y avait des copains qui ont fait vite fait un film en papier découpé, direct sous caméra, et ils ont improvisé un truc sur une musique. Et ouais, effectivement, le premier réflexe, finalement. Pour se faire une bande son vite fait, à l'époque c'était d'aller à la médiathèque. Maintenant on s'en fout d'internet, mais à l'époque on allait à la médiathèque, puis on piquait n'importe quoi, enfin un truc, puis on le posait, puis on disait ouais ça marche un peu, ouais c'est rigolo, là il y a des choses, ah non je préfère ça, tiens, puis on choisissait une musique, puis on la posait. Et ça pouvait être ça. Heureusement, là je suis en train de dire un truc horrible parce qu'il y a plein de gens qui font un travail poussé et abouti au niveau du son depuis très longtemps, mais il se trouve que dans les gens que je rencontrais, il pouvait y avoir cette espèce de... Enfin, cette relation au son, elle est difficile en fait. Il y a des gens pour qui c'est très difficile. Moi, je me souviens de mes débuts à Folimage, quand j'arrivais, j'étais marqué de voir une très grande salle, plein de tables lumineuses partout, puis des gens avec des casques. Et ils étaient tous en train de dessiner, ils étaient vraiment dans leur monde, pour le coup, ils avaient leur univers sonore à eux, mais ils étaient avec des casques et ils dessinaient. Moi, je m'attendais à voir, je sais pas quoi, des Mickey qui bougent, des trucs partout, puis non, j'avais juste des gens figés sur leur table, comme ça, qui bossaient image par image, le truc besogneux et difficile, et surtout, ils étaient au casque. Et je me dis, ah ouais, d'accord, bon, c'est étrange, et je me rends compte qu'en tout cas, il y a vraiment une époque pendant laquelle parler du son, c'était quelque chose de compliqué. C'est-à-dire réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la bande son, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Et effectivement, les premières choses évidentes qui venaient, c'était une voix off, une musique, par exemple. Ça, c'est un truc qu'on voyait régulièrement parce que bah, la voix off, elle permet d'asseoir quelque chose qu'on veut raconter, qu'on ne va pas forcément pouvoir montrer, etc. Et puis la musique, c'est bien, ça occupe l'espace et on est tranquille, c'est bon, ça va. Et moi, c'est vrai que ben, je suis pas acteur. et puis la musique, c'est pas mon truc, c'est-à-dire que je travaille avec des musiques, je peux faire plein de choses dans les montages, vraiment des choses précises et tout, mais par contre je suis pas du tout musicien et j'avais pas envie de faire du son avec une approche musicale. J'avais envie de travailler sur ben, les sons qui m'entourent. Il y a une chose que j'ai pas expliqué, c'est que je suis pratiquement aveugle et c'est vrai que je suis donc assez attiré par le monde du sonore et du coup je suis assez attentif aussi au son. Et donc vous allez vite le voir parce que je passe mon temps à vous faire vomir en zoomant. Et si tu donnes la poupou, il le voit à chaque fois que je parle d'un truc. Voilà, on zoome sans arrêt parce que je vois pas ce que je fais. Mais donc voilà. Et en fait, c'est vrai que dans mon parcours, ce qui m'a intéressé, c'était de réfléchir aux outils du cinéma de vue réelle, donc de fiction, de prise de vue continue, les trois façons. Blesser personne et de me dire que effectivement les gens de cette pratique là du son ont une pratique hyper différente de celle du cinéma de celle du cinéma d'animation. C'est vrai que je m'apercevais que les gens que je connaissais qui faisaient du son étaient vraiment il y avait vraiment un truc ça pouvait être très en cabine, ça pouvait être très comment dire, je retrouvais pas tous ces sons que j'entendais dans un film de fiction, par exemple. Et c'est vrai que, on pourrait faire des tests en blind test, mais on pourrait mettre une bande-son, et si vous fermez les yeux, vous me direz, tiens, ça, c'est un film d'anime. Puis un autre, ah oui, ça, c'est un film, un vrai film, comme disait Gamin. Mais c'est vrai que Alors, est-ce que l'animation doit absolument avoir du son direct à la Cinoche, prise de vue continue? Pas forcément, parce que ce qui est chouette en animation, c'est que c'est vraiment très ouvert, tout est possible. Et ça, c'est vraiment un des rares, en termes de son, c'est un des rares pratiques, en fait, dans lequel vraiment, on peut, je sais pas, si je veux faire marcher un personnage avec juste ça. Si je veux faire un bruit de pas avec ça, il n'y a pas un syndicat qui va me l'interdire. Je vais vraiment pouvoir vraiment créer des sons qui sont vraiment faits pour ce film et qui ne marcheront pour aucun autre film. Voilà. Et ça, c'est un truc, moi, qui me plaît vachement. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Ouais. Non, juste pour toi, à partir de quand, on parlait, on va pas faire historique, mais à partir de quand, justement, l'idée de sound design, en tout cas, est un peu plus présente dans l'esprit des studios, des réalisateurs, et d'un seul coup, ils prennent ça de plus en considération? Bah, en fait, j'ai l'impression que, par exemple, chez les Français, c'est un peu un gros mot toujours, quoi. C'est toujours un peu compliqué de dire sound design. On dit, ouais, j'ai un monteur son, ouais, j'ai un preneur de son, j'ai un... Mais, ouais, on me dit créateur sonore ou illustrateur sonore. Créateur sonore, c'est quoi ça? Au Canada, on a traduit par conception Voilà, sonore. voilà. C'est Et concepteur sonore. voilà, exactement. Et je trouve que c'est assez joli comme terme. Il se trouve qu'en France, il n'est pas beaucoup utilisé. Mais n'empêche que enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire, concepteur sonore. C'est assez beau. Créateur sonore, ça fait un côté, je suis Dieu. Je déteste ça, moi, j'ai un peu de mal avec ça. Bon, on va pas parler vocabulaire parce que ça peut durer des heures, mais c'est vrai que, en tout cas, c'est sûr que je pense qu'il faut mettre aussi. Enfin, il faut aussi voir que, par exemple, quand moi j'ai commencé à faire du son, ça existait déjà depuis un moment, hein, mais il se trouve que j'avais affaire à des réalisateurs et des producteurs qui étaient plus vieux que moi et qui étaient plutôt dans la méthode débrouille, quoi. Débrouille de sortie des années 80 où avec le Nagra, on se démerdait de faire 15 sons et puis on allait, à l'époque, nous, on allait à France 3 Lyon à côté pour mixer le film et avec ces espèces de quoi, 10-15 pistes maximum, on arrivait à faire la bande-son d'un film. C'est vrai qu'on vient de cette époque-là aussi. Et moi, je suis arrivé, alors, quand je me suis formé sur l'analogique. Et quand j'ai travaillé en numérique directement, donc ça me fait un peu bizarre. Mais c'est pour dire aussi que je suis vraiment arrivé à un moment où vraiment tout pouvait changer. Toutes les techniques changeaient et les méthodes pouvaient être différentes. Après, c'est drôle parce que finalement, faire du son, du sound design ou du son, du montage son, c'est quoi bête et enfin, le truc le plus basique qu'on fait la plupart du temps, c'est que on lit un son à sa vraie vitesse ou pas, on lit un son à l'endroit ou à l'envers. Donc voilà. Donc quand on veut inventer un nouveau son, le premier truc déjà qu'on peut faire, et ça existe depuis des King Kong qui datent un peu quoi. Et en fait, le point de départ c'était ça. C'était bah tiens, on peut le lire à l'envers, à l'endroit, on peut l'accélérer, le ralentir, on peut l'accélérer en temps réel en regardant l'image, le ralentir, etc. Et avec ça déjà, on pouvait faire des trucs. On avait quelqu'un qui crie, qui fait ah, et puis bah, avec le magnéto, on pouvait retenir la bande pour entendre ah, pour faire un effet Doppler, pour avoir l'impression que le personnage passe devant nous et s'éloigne, pour reproduire ce qu'on entend dans la réalité, et qui ne marche pas en studio, parce qu'en studio on est juste là ah, donc ça marche pas. Et donc en tout cas voilà comment dire, la pratique, elle est la pratique basique qu'on fait tous les jours finalement. Je parle pas des plugins après où on va vraiment dans autre chose, mais la pratique de tous les jours, c'est ça, c'est on fait la même chose que dans les King Kong. Après, on a juste une foison de pistes, donc on peut vraiment détailler plus les choses, on peut préciser les choses. Juste Pierre, peut-être, parce que je pense qu'il y a l'ONF. Je ne sais pas tellement en France, finalement, cette idée de concepteur sonore, quelque chose qui est assez vieux, non, à l'ONF. En tout cas, c'est quelque chose qui est pris en compte depuis longtemps ou pas forcément. Oui, même il y a des différences culturelles, comme quoi au Canada, le concepteur sonore, c'est lui qui a un peu le dernier mot sur la trame sonore. Il peut jouer un peu dans la musique du compositeur, décider bon, à quel niveau on la met sur le mix, et enfin qui décide aussi, qui dirige le mixeur, en finalement approuvant les balances, parce que toute l'émotion souvent dans le film, c'est comment on marie les cinq éléments dont Cédric faisait mention, pardon. Donc, oui, c'est conception sonore, on dit. Et c'est que ça fait longtemps, on reparlera du mixage, parce que je sais que c'est quelque chose de très important, justement, entre le musicien, voilà, mais cette idée de concepteur sonore à l'ONF, par exemple, est-ce qu'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est des choses qui étaient déjà présentes, tu sais, ou pas? Normalement, normal, ça fait pas si longtemps Ouais, c'est que ça, j'ai c'est... une quinzaine d'années, mais oui, je pense que ça a toujours été. Ça a toujours été important, je dirais, depuis très longtemps. Et puis, on va engager des fois le concepteur sonore avant le compositeur ou avant il arrive plutôt dans le projet. Il faudrait, dans mon jeu dont vous parlez, qui a été l'un des monsieur, c'est il est derrière, l'homme qui plantait des arbres. Il a trop fait, tellement. Oui, c'est ça, c'est vraiment le personnage, face à un auteur, qui a du job de vite, enfin, je me demande d'ailleurs lequel il n'a pas fait. En tout cas, à une époque, c'est vraiment celui qui était le plus présent et l'un des premiers noms, d'ailleurs, réellement, je pense, en animation musique, qui a été comme ça sorti, on va dire, de parce qu'il faisait aussi la conception sonore. Parce qu'il faisait, voilà, c'est ça, conception sonore. Alors, Voilà, je voulais aller sur le fait aussi que c'était culturel. Je pense en France, il y avait une approche qui est celle qu'on continue d'avoir, mais avec des recherches parfois différentes. Mais par exemple, en production, on avait aussi l'habitude de faire des fois un peu vite fait le son. Je dirais ça, ça ne va pas plaire à des gens, mais c'est parfois le cas. Et c'est vrai que moi, je me souviens, un des premiers trucs qui m'avait marqué, c'est, je sais pas, je travaillais sur, je sais plus quel film, L'Enfant Grelot, pour Jacques-Rémy Girard, et puis le film d'après, on est dans une forêt, et puis il fait, c'est facile, tu prends les mêmes forêts. Et ça m'énerve. Alors, j'ai fait un petit montage en me disant, mais vous commencez à me gonfler avec ça, est-ce que dans les décors, on prend la même forêt? Il y a un moment où on ne voit pas la même chose, on ne peut pas entendre la même chose, dans un sens. C'est effectivement, là j'ai plusieurs films dans lesquels on est dans des forêts, vous allez pouvoir entendre qu'il n'y a pas une forêt qui sonne pareil, parce qu'on veut, la forêt, le son qu'on va percevoir dans cette forêt, par exemple dans Le Bûcheron des mots, on est dans quelque chose d'assez naturaliste, assez beau, fin, dans Le Loup Blanc, ce sera quelque chose d'un peu pesant, lourd, parce que cette forêt, on peut sentir une menace potentielle, et on va travailler, puis même une forêt, ça veut dire quoi? Une forêt, ça veut rien dire, une forêt, c'est quand? C'est en hiver, c'est en printemps, en automne, c'est le jour, c'est la nuit, enfin, tout ça change, donc en fait, c'est bien gentil de vouloir la même forêt que dans l'autre film, mais c'est pas la même, quoi qu'il arrive, quoi. Donc voilà, je vous propose de regarder ça. C'est un petit montage, un bout à bout de quelques situations de films sur lesquels j'ai bossé, dans lesquels on a fait des forêts. Vous me direz si ça sonne pareil. C'était l'époque où j'étais bûcheron, comme mon père. Le fil de ma vie se déroule dans les saisons. Voilà, ça m'énerve, hein. Non, mais je pense que c'est, quand on voit un bout à bout comme ça, ça paraît assez évident de se dire qu'un graphisme appelle un son, et que l'animation, c'est tellement riche pour ça, il y a une telle possibilité de développement graphique, avec vraiment des options, des envies, que ça serait trop dommage de dire, on prend la même forêt que Grelot, ou je sais pas quoi. On prend la même forêt, on colle la même partout, ça serait stupide. Enfin, voilà. Comment ça se passe de manière concrète? Là, par exemple, on a vu, je pourrais vous parler, dans les salles, aussi bien le Champ du Monde, bien le Grand Jean, c'est des gens qui sont complètement différents. Il y a. J'ai un peu de mémoire sur ce qu'on vient de voir, j'essaie de. Alors, il y avait Le Loup Blanc, il y avait donc Sucré, il y avait François Le Vaillant de Carles Porta, et puis il y avait. Et l'histoire du petit Paolo. je crois qu'on les a tous. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et le bûcheron des mots. Et le bûcheron des mots. Donc, voilà. Comment ça marche de manière concrète, justement, par rapport à ces forêts, ces idées de ouais. dire, parler, vous dites, bah, justement, c'est en quelle saison, c'est, ouais. qu'est-ce que tu veux c'est... Alors, déjà, c'est vrai que pour moi, faire du son avec quelqu'un, c'est déjà commencer à discuter. Et l'anecdote moi, qui me fait rire, mais c'est vrai que c'est commencer aussi à boire des bières ensemble. C'est-à-dire, c'est se connaître vraiment, connaître le projet. Donc, parce que je pense que. Je lis des scénars, par exemple, qui me paraissent hyper sonores. En fait, je me dis, mais c'est dingue dans l'écriture, comme on entend tous les sons et tout ça. Et parfois, je suis hyper déçu. Quand, par exemple, quand j'ai pas fait le film et que le film est fait, parfois je suis hyper déçu de voir comme cette intention sonore, elle était que littéraire et elle s'est juste arrêtée là. C'est-à-dire que après, elle est devenue un peu plus illustrative et bim, c'est fini quoi. Et c'est vrai que je pense qu'un bon remède à ça, c'est sûr que de lire le scénar, de lire les notes d'intention, d'en écrire aussi, etc. C'est vachement intéressant, ça permet de cibler des choses, mais après, les auteurs, parfois, ils sont un peu cachotiers, c'est-à-dire que ils vont pas forcément mettre tout ce qu'ils ont en eux pour faire ce film dans le dossier, dans le scénar, etc. C'est-à-dire que les intentions, ce qu'ils veulent vraiment faire derrière, parfois, c'est des intentions cachées ou personnelles, en tout cas. Et c'est vrai que la meilleure façon, déjà, de pouvoir se faire une idée de comment vers quoi pourrait aller la bande son, c'est de discuter quoi. Et moi, avant de lire le scénar, j'adore en fait avoir un rendez-vous avec un réal, le futur réal, juste pour qu'il me raconte son histoire, tout simplement. Parce que par ces mots, c'est vachement différent de juste le pitch, l'espèce de synopsis rapide ou le scénar qui est un peu du coup très technique. Après, c'est intéressant d'aller dans le scénar et de dépouiller, mais c'est vrai que le point de départ, c'est vraiment l'échange. Et l'autre chose aussi, c'est que ça permet aussi de poser des questions. C'est-à-dire que c'est pas juste il me raconte son histoire. C'est, et d'ailleurs, à La Poudrière, par exemple, quand on... Sur certains petits exercices, dans certaines phases, j'aime beaucoup ce moment où, alors je vois les étudiants une heure à peu près, même pas une heure par projet, mais c'est super, je leur demande de me raconter l'histoire. Il y en a qui me disent leur synopsis, je dis ouais bon, on va, tu peux me raconter s'il te plaît. Mais parce que voilà, c'est vraiment important d'entendre par leurs mots, par leurs intentions, de pouvoir poser les questions pour creuser sur qui ils sont, parce que je ne les connais pas, qui ils sont et qu'est-ce qui peut les motiver à faire ce film, parce que dans ces réponses-là, il y aura des choses dans la bande-son. C'est, à mon avis, évident. Ouais. Comme tu dis, c'est possible, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Ce qui arrive, on vous appelle un peu au dernier moment. Ouais. Vous n'avez pas vu, mais il arrive. Levez les yeux au ciel, justement. Mais ouais. C'est des fois une catastrophe pour certains films, parce que le film met, je ne sais pas quoi, 3 ans à se faire. Et comme je disais tout à l'heure, le son peut se régler en 2 ou 3 semaines avec des gens où il y a eu peu d'échanges. Et des fois, le réal, il est là, il a une bande-son, mais il est un peu comme genre un truc post-traumatique. Est-ce que c'est bien ce que je veux? Je suis pas sûr, j'ai pas eu le temps d'y penser et tout ça. Donc, c'est vrai que si on arrive à créer un dialogue très tôt, ces choses-là se mûrissent doucement. Et notamment aussi, tout simplement, parce que moi, je connais beaucoup d'auteurs qui me disent « Moi, je suis trop nul en son, j'y connais rien. J'ai envie d'avoir une bonne bande-son, mais j'y connais rien ou je sais pas comment faire ceci ou... » Ou voilà, j'ai besoin de toi, je te fais confiance. Moi, je dis non, ne me fais pas confiance, surtout pas, c'est trop dangereux. Mais par contre, réfléchis en même temps que moi. Surtout quand c'est des premiers films, par exemple. Écoute, c'est super, ton film, tu vas le finir dans 1 an et demi, mais peut-être que on peut comme ça, dans ces moments où on discute, on peut échafauder des idées qui vont peut-être t'aider, toi, dans la mise en scène, à changer un petit truc, parce que là, on entend quelque chose qui appelle une action, etc. Et puis, ça permet vraiment d'élaborer, comme ça, petit à petit, pour des gens qui se disent nuls, en fait, ça leur permet d'élaborer et faire une bande-son intéressante, quoi, je trouve. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, quand sur un projet, d'intervenir même au niveau de l'animatique, ou vraiment très, très tôt? Alors en fait, j'adorerais, mais souvent c'est un problème de budget. C'est-à-dire que c'est compliqué parce que, je sais pas comment ça se passe pour toi, mais souvent je trouve qu'on a des budgets vraiment ric-rac et c'est parfois assez difficile de se dire on va passer, je sais pas, une semaine dont on a absolument besoin après pour faire vraiment le vrai son final et tout ça. passer une semaine à faire des choses dont on sait que, je dirais peut-être que, ouais, 75% va aller à la poubelle, quoi. Donc, et il n'empêche que pour certaines choses, c'est super important. Il y a, c'est arrivé pour certains films qu'on me demande des sons, plutôt que de prendre des sons. J'ai un exemple, alors je ne l'ai pas là, c'est vraiment idiot. Je ne sais pas si vous avez vu Le Couloir de Jean-Louis Felicioli et Alain Gagnol. On a une séquence dans laquelle la femme passe devant un magasin, et puis on la voit elle, et puis on est dans la rue, puis on entend un train arriver, et puis le plan suivant, on est à la gare, en fait. Mais on reste sur son visage, on est à la gare. Et donc, il y a un jeu de transition chouette. Et en gros, ils avaient pris vite fait dans, je ne sais pas, ça va être le CD de Radio France, là où il y a 4 CD que tout le monde utilisait et des fois continue à utiliser. Ils avaient pris une arrivée de métro, ils n'avaient pas de train. Donc, ils prennent une arrivée de métro, ils le posent. Ok, super. Boum, ok. Et puis, le train s'en va. Bon, et ben, on essaie de mettre un vrai train, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, un métro, il met une quinzaine de secondes à arriver. Un train, il met une minute. Enfin, je veux dire, on est dans un rapport de temps qui est très différent parce que le métro, il arrive, il peut freiner net. Alors que le train, il a vraiment une certaine inertie, etc. Et donc, en fait, on a dû ruser comme des malades pour arriver à avoir l'impression que c'est quand même le train qui arrive et non pas le métro. Parce qu'en plus, on était en extérieur, le métro sonnait intérieur. Donc, c'est vrai que la difficulté quand on fait de l'animatique, c'est d'avoir des sons qui soit trop faux par rapport à la situation. D'accord, c'est un train, mais c'est comme le coup de la forêt. C'est pas n'importe quel train. Là, c'était un métro en intérieur, et il me disait, mais on n'a qu'à l'utiliser, mais là, on ne peut pas l'utiliser, parce que comme on est en plein air, on entend vraiment l'effet de la réverbe de ce grand hall de métro, et ça ne marchera pas de mettre ce son-là dehors, quoi. On a vraiment l'impression d'être enfermé. Et ça, c'est, dans l'histoire, ce serait vraiment dommage. Voilà. Alors, je vais devoir te faire avancer un petit peu. Ouais. Il est 10 heures. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Peut-être un peu s'il y a des questions dans la salle. Bien sûr. Je voulais lui montrer petits... En fait, j'aimerais bien vous montrer La petite casserole d'Anatole, qui est un film qui a dû avoir le prix du public l'an dernier ou il y a 2 ans, j'ai un peu oublié. Et qui, en fait, parce que voilà, c'est vrai que. Quand je parle de sound design, il y a des gens qui disent « Ouais, Star Wars nous emmerde et tout ». Mais oui, c'est vrai, les gens ils croient que sound design, c'est Star Wars, il n'y a que ça, quoi. Parce que c'est les trucs où on voit des vaisseaux qui se déplacent, des trucs qui volent, des monstres, des... Ouais, mais voilà, je trouve qu'en fait, La petite casserole d'Anatole, il y a une vraie pensée globale sur la bande-son pour faire ce qu'est ce film, en fait. Et pourtant, il n'y a pas des dinosaures, des vaisseaux, des machins qui se fritent tout le temps. Et donc voilà, donc je vous propose de voir ce film. Okay, on n'a pas baissé. J'attends un petit peu. Toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un jour. On ne sait pas très bien pourquoi. À cause de cette petite casserole, Anatole n'est plus tout à fait comme les autres. Il a besoin de beaucoup d'affection. Parfois, c'est presque gênant. Il est très sensible. Il a un grand sens artistique. Il a plein de qualités. Mais souvent, les gens ne voient que cette petite casserole qui traîne partout. Il trouve ça bizarre et même inquiétant. Thank you. plus, sa petite casserole complique la vie. Peu de gens réalisent qu'Anatole doit faire deux fois plus d'efforts que les autres pour y arriver. Anatole aimerait bien se débarrasser de sa petite casserole. Mais c'est impossible. La petite casserole est là et on ne peut rien y faire. Un jour, il en a plus qu'assez et décide de se cacher. Il reste comme cela longtemps. Peu à peu, les gens l'oublient et on ne lui demande plus rien. Heureusement, les choses ne sont pas aussi simples. Il existe des personnes extraordinaires. Il suffit d'en croiser une. Elle lui apprend à se débrouiller. Elle lui confectionne une sacoche pour sa petite casserole. Maintenant, on lui trouve plein de qualités. Pourtant, Anatole est toujours le même. Ça va être très juste. Une question. Oui, bien sûr. Le musicien est très tôt dans le générique. Ouais. Et quand vous regardez, je vous aimais. Et en fait, ah oui, il apparaît beaucoup plus tard. Dans le générique, c'est tout le temps comme ça en fait. Ouais, c'est souvent comme ça. Le musicien est avant. Oui. Et puis souvent dans le générique, on a le chef monteur, enfin monteur image. Le musicien et puis le son, ça arrive souvent plus tard. Ouais. Bon, c'est la vie. Mais tu vois, c'est l'énorme différence, je pense, dans l'approche du son anglo-saxonne. Quand j'ai anglo-saxonne, c'est, je pense, au continent américain et par exemple en France, c'est, tu disais que par exemple le concepteur sonore peut avoir le dernier mot sur certains choix de mixage, certains choix de. C'est sûr que évidemment, moi, quand je me lance dans un projet, je propose d'avoir une vision globale sur le projet. Pour la question du son, il n'empêche que les choix de musiciens viennent quand même généralement du réalisateur, parce que voilà, il m'arrive de conseiller, de dire tiens, je pense qu'un tel serait super dans ton cas, etc., dans le cas de ce film. Mais donc parfois il y a des choix de musique que je pourrais contester. Il y a des trucs, je me dis tiens, là la musique elle fait pas son boulot, elle nous embête, et ça embête dans le sens où ça permet pas de suffisamment de raconter, mais et c'est vrai qu'il y a, il y a une énorme différence sur qui prend les responsabilités et les choix. Pour moi, c'est quand même la responsabilité, enfin, c'est les choix incombent au réalisateur. mais j'ai l'impression que je suis un peu leur premier conseiller, voilà, pour les aider vraiment à aller le plus loin possible et les accompagner. Donc c'est vrai que j'essaie de choisir les bruiteurs avec qui je travaille, j'essaie de choisir les, en gros, de choisir mon équipe et le mixage aussi, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé des différents métiers du son, mais il y a une partie qu'on peut ranger dans le sound design, la conception sonore, le montage son et la prise de son. C'est un peu tous les éléments préparatoires qui vont être de l'ordre de l'enregistrement et du montage. Après, il y a une phase qui est un peu incontournable, c'est le bruitage dont j'ai parlé tout à l'heure et le mixage. C'est vraiment, on peut dire qu'il y a ces trois parties-là si on simplifie un peu la partie que je fais, par exemple, dans le sound design. Ça veut dire qu'il y a des gens avec qui on va travailler et en fait il y a des gens qui peuvent ne pas être adaptés. Il y a des bruiteurs qui vont très bien bosser sur un film et qui seront beaucoup moins indiqués pour un autre film. Et à ce moment-là, c'est bien comme ça de dire voilà, je sais bosser avec un tel truc bidule et là lui il serait super. Voilà. Là en l'occurrence sur ce film c'était Julien Bessa qui est à Annecy en ce moment d'ailleurs. Voilà. Et donc, je sais pas, j'ai perdu le fil de ta question. Non, pas du tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est parce que là j'étais parti sur Jerry. Ouais. Revenons sur la petite façon d'Anatole. Il y a tellement de choses à voir. Ouais, bien sûr. Que je commence à m'inquiéter. Le temps passe. Ouais. Quelle heure est-elle? Très bien. D'accord. Ok. Ouais. Ça marche. Alors sur Anatole, en fait, je vais vous montrer mon Pro Tools parce que voilà, il est gentil. Je l'aime bien. Et donc sur Pro Tools, alors je vais zoomer. Hein, vous m'excuserez pour je vais vous faire vomir deux minutes puis après, ça ira mieux. Je vais vous montrer des petites choses sur le bruitage, tout simplement. En fait, c'est vrai qu'on a une résolution basse. Je suis hyper dézoomé. Il faut que je fasse comme ça. Voilà, je vais mettre ici. Tac. Je vais vous faire écouter un tout petit bout du film sur qu'est-ce que c'est que le bruitage brut. Un tout petit peu travaillé, mais qu'est-ce que c'est que le bruitage brut. Alors, j'espère que ça va passer. Ça sera peut-être pas assez fort. Alors, je vais que tu montes, s'il te plaît. Donc, vous voyez à quoi ressemblait son. Voilà. Alors, je lance. Peut-être que je vais mettre l'image, ça serait bien. Ouais, on n'entend que dalle. Pourquoi? Il y a un bins. C'est attendez, il y a du mystère. Je vais essayer de trouver pourquoi. Ça serait pas bien. Ouais, si ça fait. Alors, ok, je relance. Tac, on y revient. Bon, il ne vous aura pas échappé qu'il n'y a que des pas et des présences, d'accord? Les pas, vous avez entendu ce que c'est, les présences, c'est les bruits de vêtements. Et en fait, donc quand on enregistre avec un bruiteur, avec son micro, il regarde l'image, et il reproduit les actions qui se passent. Le son a quelque chose d'un peu brut, alors qu'en fait, Anatole, c'est un tout petit personnage, j'ai pas dit qu'il était réalisateur, mais c'est Eric Monchaud. Eric Monchaud disait, finalement, c'est un peu comme un petit oiseau chétif, c'est vraiment... quelqu'un de très effacé, très discret. Et donc, je ne sais pas si vous avez entendu, les pas, ça faisait comme ça, un côté un peu... Et puis ça fait... Puis les freins font... Comme ça, c'est un peu bruyant tout ça. Et donc, en fait, il y a une chose qui est assez simple, par exemple, à faire dans le cas où on veut que le personnage soit un peu plus... léger, déjà, c'est de faire en sorte, je zoome énormément pour que vous voyez ce qui se passe, c'est de faire en sorte juste d'accompagner le son pour qu'on ait juste un petit tchic, tchic, comme ça, pour donner l'impression que ça devient plus un petit oiseau qu'un énorme mammouth. J'espère que ça va marcher. Ça ne marche pas parce que je suis un âne, certainement. Attendez, tac. Tac. Ouais, non, c'est pas cool, ça, c'est pas gentil, ça. Alors, je vais faire comme ça. Zut, vous savez quoi, j'ai un problème. C'est réglé, c'est pour ça. Il voulait me... Tac. Ok. Alors je vais le remettre à l'image, pif. Donc... Alors comme il y a le temps qui est passé entre les premiers pas et ceux-là, je ne sais pas si vous avez senti la différence. Très peu en fait, tout le monde est là. Non, c'est la même chose. Merde. Je me casse. Non, mais l'idée, par exemple, dans le cas de ce personnage, c'est vraiment de, de complètement l'alléger et de faire en sorte qu'il y ait juste des tout petits sons fins qui restent. Par exemple, les présences qui étaient très fortes, bah, les retenir pour vraiment qu'elles fassent juste les mouvements. Une chose, par exemple, sur le travail du bruitage en animation qui, pour moi, est très importante, et ce n'est pas forcément ce qu'on fait souvent, c'est qu'on enregistre les bruitages, et puis, en gros, on les prend un peu pour argent comptant et on les emmène au mixage comme ça, quoi. Et en fait, il y a beaucoup de prods quand je dis non, il y a un temps à passer sur le bruitage parce qu'il faut ensuite affiner ce travail du bruitage pour vraiment arriver à quelque chose qui colle aux situations, aux personnages. Et ils ne comprennent pas, ils disent mais un bruitage, c'est bon, il est fait, il n'y a rien à faire. Et en fait, s'il y a un travail vraiment de. Par exemple, les présences en animation, c'est un peu le lien intime qu'on a avec les personnages. Donc, si les présences elles sont complètement décalées. Ce qui était le cas là, dans la séquence que vous avez vue, mais vous n'avez peut-être pas fait gaffe, elles étaient un peu décalées parce qu'à la prise de son, on n'est jamais pile poil précis, etc. Y a un boulot qui va consister à recaler vraiment chaque mouvement pour qu'il soit juste et pour qu'on sente vraiment que c'est ce personnage-là qui bouge et non pas un bruiteur qui est dans la salle en train de faire ce son. Donc voilà, ça c'est les premiers trucs qui pour moi m'ont paru assez évidents quand j'ai commencé à bosser dans le son, c'était que les bruitages, en fait, il y a un travail vachement précis à faire en anime particulièrement, pour vraiment les faire coller. Et ça, rendez-vous compte, ça veut dire qu'on a une piste avec un personnage qui marche sur 6 minutes, et bien sur 6 minutes, il va falloir découper tout ce qui sert à rien dans les pas, pour vraiment aller chercher que ces petites pointes, c'est vraiment chic, chic, chic, au lieu de faire je crois, voilà, ce qui pour moi n'est pas très joli. Voilà. Et du coup, l'avantage, c'est que ça permet aussi de faire une différence entre ce personnage et le couple qu'il rencontre dans les plans suivants, parce qu'eux, ils marchent normalement, entre guillemets, et lui, comme il est traité un peu spécialement, on met un peu un focus particulier en termes de son sur lui. Et ça, c'est, à mon avis, c'est des astuces qui sont intéressantes pour le film. Après, sur la petite casserole d'Anatole, il ne vous a pas échappé qu'il y a cette casserole qui a une importance tout au long du film, et une espèce de métaphore du handicap, de la différence et tout ça. Et en fait, cette casserole, elle a des dimensions différentes. Et elle exprime aussi des choses différentes. J'arrête pas de me cogner. Elle exprime des choses différentes, c'est-à-dire qu'il y a des moments où elle va être très envahissante, très pesante, elle va être surdimensionnée. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'au bruitage, on n'utilise pas la même casserole du début à la fin du film. Et l'autre chose aussi, c'est que dans ce qui me paraît intéressant dans ce film-là, c'est que le musicien a fait une musique qui est très un peu déglinguée, un peu désaccordée, avec des casseroles justement, avec des objets de percussion résonnants, plutôt métalliques, et ça qui évoque la casserole. Et l'idée, c'est qu'il ne fallait pas que le bruitage jure complètement et vienne complètement sortir de... sorte de l'espèce de truc que raconte le musicien. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire en sorte que on sait pas vraiment quand c'est le musicien qui a fait le son ou quand c'est moi, et donc on a cherché plein de matières métalliques qui vont ça peut être une benne vraiment les énormes bennes dans lesquelles on jette les déchets, les presses de bennes par exemple, pour vraiment donner le son très lourd de la casserole qui traîne quand elle est très lourde et qui va se réfugier à l'intérieur. Et ça peut être quelque chose, un objet beaucoup plus léger, comme une toute petite casserole d'enfant, là, de dinette ou des choses comme ça. Et on passe un peu par tous ces états-là. Et ce qui, à mon avis, fonctionne, c'est qu'on n'entend pas ça. C'est-à-dire qu'on n'entend pas, on n'a pas l'impression que c'est jamais la même casserole. On a l'impression que c'est la casserole du film, au moment où on en est dans le film. Voilà. Alors, c'est de la partie recherche en son, justement, au studio. Je peux mettre des micros en image et du coup, avec l'archet, j'ai frotté des tôles en métal dans lesquelles je fais... C'est-à-dire que c'est une tôle tordue qui est tenue par un étau et à l'archet, en jouant comme au violon, hein, l'archet d'un violon, en jouant sur la tension, on va pouvoir faire des notes différentes. C'est ça, ouais. Sans chercher à aller chercher des trucs musicaux, on aurait pu mettre des glockenspiel, des choses comme ça, mais je trouvais que là on était dans un truc complètement à part, c'est un espèce de tableau comme ça. Glockenspiel, oui, pardon, c'est des petites tubulaires en fait, c'est plein de cloches tubulaires qui sont accordées, du coup on a une gamme en fait avec. Voilà. Je te presse. Oui. On va avoir les 5 minutes. D'accord. Laisser ensuite Pierre-Yves, on va voir un peu. Et puis, comme ça, je suis désolé. Ce que je voudrais vous faire entendre, c'est... Moi, parmi les choses qui sont très importantes pour moi, c'est la prise de son, en fait. Et c'est peut-être c'est un des trucs particuliers sur lequel je suis très attentif. La prise de son, que ce soit pour les voix, j'essaie de bosser pour qu'on avance dans les voix en animation. Et puis, guidé par des super réals avec qui je bosse, c'est cool. Et sinon, c'est aussi que, finalement, pour répondre à des situations... si j'ai besoin d'une voiture, par exemple... Et je ne vais pas bêtement prendre la voiture et puis me dire « Ah, c'est bête, il faudrait que je la prenne en plan large. » Alors, je vais aussi la prendre en plan large. « Ah, puis il faudrait qu'on soit dedans et tout ça. » Et c'est de dire qu'en fait, au fur et à mesure de ce que j'avance, je me rends compte que ce qui est intéressant, c'est d'avoir pas un son, mais différents points de vue d'un même son. Parce qu'en fait, dans une situation, ça va être intéressant de pouvoir utiliser ce son tout le temps. Mais par contre, en ayant différents points de vue sonores, de perception de ce son, on est proche, on est loin, on est fauteuil passager, on est... Alors, je vais vite chercher ma Pontiac. Vu qu'on est pris par le temps, où est-ce qu'elle est ma Pontiac ? Je sais pas, c'est 23 quoi. 23 points. Je vais juste enlever des solos. Et ouais, zut, alors, je suis vraiment à la bourre hein, en fait, c'est ça. Hein. C'est ça que tu me dis. C'est trop beau. Voilà, donc, alors, je vais arriver à ma Pontiac, si elle veut. Vous savez quoi ? Je vais la trouver. Tac, tac. J'ai un petit. J'ai un petit coup de stress là, elle a disparu. Je vais la trouver. J'ai deux questions. Ouais, je t'écoute. Ça marche. Est-ce que tu trouves que. Moi, c'est quelque chose qui marque beaucoup. Il y avait ça dans le Castrovato, on n'utilise pas suffisamment son off dans même les scénarios qu'on vous propose et dans le travail. Est-ce que. Et donc, parce que c'est vraiment important évidemment de se dire, bah, tiens, ça va être uniquement son. Et est-ce que ça, tu penses que c'est pas suffisamment utilisé par les réalisateurs ou au contraire. Ça dépend, ça leur plaît toujours quand on amène, il faut que ça soit justifié aussi. Souvent, pour revenir à une piste qui a ouvert Loïc tout à l'heure, qui était intéressante, c'est dans la discussion, c'est ça, et ça prend un échange absolument. Et le son, c'est un matériau sonore comme la musique, on peut, surtout avec les ambiances, justement, on peut évoquer plein de sentiments, plein d'émotions, donc des fois dans des sons off, ça peut suggérer aussi une menace ou un attrait ou quelque chose qui va souvent se mêler dans l'ambiance. Ça ne peut pas être très, très... c'est pas à l'écran. Ou on suggère quelque chose de très clair, mais là, ça fait partie du scénario. Mais quand on ajoute des choses comme ça, des petits suppléments, c'est souvent pour aller dans l'intention du réalisateur, ce qu'il veut évoquer, dans les questions. Dans le dialogue qu'on a, on pose souvent aussi, bon, mais lui, c'est quoi son caractère? Qu'est-ce qu'il tente? Comment il vit la scène intérieurement, et avec le son, on peut arriver justement, comme tu disais, avec quelqu'un qui est très très gros, qui a des tout petits pas légers, on peut arriver à... Mais dans les sons hors champ, c'est sûr que c'est une économie aussi en animation, hein. Mais c'est justifié pour créer, amener une émotion qui soutient. Et puis c'est vrai que le hors-champ, il a plusieurs rôles. C'est déjà le rôle financier, parce qu'effectivement, si on dit, bah voilà, dans mon film, il y a un avion qui se crache sur un building, ok, à l'image, bon, si on était en vue réelle, ça serait compliqué à faire. Par contre, si on a juste le personnage filmé, on a l'ombre et puis on entend ce que lui voit, il suffit de se débrouiller au son de le faire passer. Et là, c'est pas cher pour le coup. Donc le hors-champ, il a déjà ce rôle-là. Il y a plein de choses. Moi, j'ai tendance à dire que plus dans le film il y a des choix économiques compliqués, plus le son va permettre de les faire passer. Et ça, c'est vachement important de considérer ça, en fait. Et puis, une des difficultés du hors-champ, je trouve que c'est que ça demande de le mettre en scène. C'est-à-dire que c'est parfois difficile de dire juste, ben tiens, si on ne l'a pas pensé, c'est parfois difficile de dire, bon, voilà, là, il part, là, il fait ça, machin, un truc. Parce que peut-être que dans le rythme de ce qu'on voit à l'image, ça ne va pas toujours fonctionner. Et pourtant, c'est vachement important. Mais, donc, ça veut dire, moi, j'ai le sentiment que les hors-champs, ça pourrait faire partie des choses qu'il faudrait faire en animatique. Se dire, on prend un bête enregistreur pourri, quoi. Mais juste, on teste ces situations et on a comme ça une idée des durées que ça prend et comment on peut faire interagir ces sons hors-champ avec ce que l'on voit à l'image. Voilà. Ça, je trouve, ça fait vraiment partie des choses très importantes à développer dans l'animatique, par exemple. Je vous fais écouter des points de vue sonores un peu différents. Donc là, on est sur une bagnole, c'était pour Phantom Boy, j'avais besoin d'enregistrer des voitures américaines. Et on va entendre comme ça divers personnes. Alors on a l'impression que c'est tout saturé, mais c'est pas vrai. on a une autre perception ici. On sent qu'on est plus distant. Là, on sent qu'on est carrément loin. Et puis ici. Est-ce que vous sentez les perceptions, justement? Là, on est loin derrière la voiture au niveau du pot d'échappement, mais à quoi, 8 mètres? Là, on est vraiment présent sur la voiture pour qu'on ait un gros son un peu ronflant et beau, quoi. Et puis voilà, là, on l'arrête. Voilà, mais et donc, en fait, c'est vachement intéressant, je trouve, dans des situations, d'avoir des sons comme ça avec des points de vue différents, parce qu'en fait, ça permet vraiment de couvrir un peu toutes les situations qu'on veut. Parce que sinon, on dit, on le fera au mixage. Mais au mixage, c'est souvent galère de bien le faire. Et comme on est dans des économies pas toujours faciles, ces trucs-là sont vraiment très difficiles de le faire bien au mixage, par exemple. Alors que quand on veut sentir qu'on est présent dans la voiture, ou quand on est sur le fauteuil passager, quand on est derrière, voilà, c'est intéressant de pouvoir faire ça. Alors, il y a un autre son qui peut le faire, si tu me permets. Je me dépêche. C'est tout bête, mais c'est des sonneries de téléphone. Parce que c'est con, mais dans Phantom Boy, par exemple, on est dans des commissariats de police et tout. Et en fait, il suffit de prendre le même téléphone de plusieurs façons différentes. Comme ça, par exemple. Comme ça, ça marche pas, en fait. Ça, voilà. Ou alors, comme ça. Là, on est déjà plus loin. Après, on va être dans le bureau d'à côté. Puis là, on est carrément au fond du couloir. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que c'est le même téléphone, celui du commissaire qu'on trouve. Et puis, c'est le même téléphone qui sonne plus loin quand dans le film, plus tard, on le veut. Et ça, le mixeur, il n'a pas à s'emmerder à commencer à faire 2 millions de choses. Le son est déjà prêt à l'emploi, quoi, en fait. Voilà, c'est une chose intéressante. Puis les points de vue sonores, c'est ma cam, parce que je voulais juste dire ça, je pense, au sens du toucher. Et c'est vrai que dans le sens du toucher, on a la perception de gens qui sont non-entendants. Et sauf qu'il faut que le spectateur, il entende quelque chose. Donc c'est un peu compliqué. Mais on aurait pu faire des vrais silences, mais en même temps, je suis pas sûr. Enfin, je pense qu'on perçoit quelque chose, même quand on n'entend pas, on perçoit quelque chose de son corps et tout. Et donc l'idée, alors je sais pas si on aura le temps de mettre un tout petit extrait, mais l'idée c'est que les points de vue sonores changent en permanence, notamment dans le début du film, selon où on est. Alors, ça peut avoir quelque chose d'un peu facho, le truc de travailler sur les points de vue, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on oriente énormément les choix pour le spectateur. On lui laisse pas beaucoup de place, en fait. Donc, il faut que ça soit juste dans les films. Mais en attendant, c'est un moyen important de vraiment signifier ce qu'on est en train de raconter. Voilà. Alors, je vais. Si tu trouves l'extrait, comme c'est plus bon, je vais voir. On va apprendre à changer d'ordinateur. Je fais ça. Ça marche. Alors, il me faut juste 2 heures pour le trouver, mais voilà. Tac, ça va être là. LSDT, tac. Voilà, ça va être là. Tac. J'y vais. Je vais arrêter là parce que si on a la bourre. ce qui est bien qu'on fait une rencontre sur le son comme ça, c'est qu'en fait j'ai regardé à la fois la petite casserole d'Anatole et là son toucher différent, je me disais. Ah oui, oui. Ouais. Faut que j'écoute mieux le son en fait. Et pas uniquement. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça dans le film. D'un seul coup, on comprend mieux en fait. On se met mieux en situation avec le son. Ouais. Parce que là, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on a des choses que l'on voit de la même façon, sauf qu'on les entend jamais de la même manière. Il y a vraiment des fois où on est du point de vue du mec, du point de vue de la fille. Des fois, on est observateur de ce qui se passe. Donc, quand elle est dans la voiture, il y a des moments où on entend le moteur, la voiture, tout ça. Et l'idée de pour traiter la perception de ces deux personnages-là, c'était d'utiliser des micros de contact. Alors, c'est vrai que c'est vachement mon truc de chercher des capteurs un peu bizarres pour aller enregistrer les sons autrement, pour avoir vraiment des perceptions différentes des sons. Micro de contact, c'est ce qui fait que quand on colle l'oreille à une porte et qu'on fait toc-toc-toc, bah, il y a une oreille qui entend le son différemment de l'autre. Il y a une oreille qui va entendre par l'air, la façon dont le son se déplace, et l'autre va le percevoir comme si on avait la tête dans la porte. Et en fait, dans le sens du toucher, je trouvais que c'était intéressant de travailler en contact, puisqu'en fait, c'est vraiment, bon, en-delà de juste le titre, mais c'est que justement, on travaillait sur, finalement, les malentendants perçoivent les sons et les vibrations par le contact. Et donc, c'était intéressant d'aller chercher une façon de travailler là-dessus, voilà. Voilà, maintenant je sais qu'on est à la bourre. Ouais, je demandais qu'on passe sur l'autre ordinateur et dis-moi s'il y a une question qui fonctionnait très bien aussi. C'est que tu as mis par-dessus ça une couche d'un fond sonore aussi très envahissant qui est un peu quand les oreilles bouchées et qu'on s'entend intérieurement. Ça marchait très bien. Et ça, c'est pour les entendants que j'ai mis ça, pour qu'on ait un truc. Je vais répondre à ta question en 5 minutes. On fait juste, ce qu'on fait, c'est que je vais demander à Pierre-Yves de venir. On va faire, et après, je vous laisserai 5-10 minutes, justement, de questions. On va essayer de faire ça. Merci. Je me débranche ? Je ne la perds pas. Je me débranche ? C'est bon, oui, le son. Ouais. Je veux bien le son quand même, parce que c'est vrai que si on n'a pas le son pour. Voilà. Pour expliquer, ça va être dur. Tu as sa place ? Non. Prends le micro. Oui, merci. Tu vas rester là encore un peu, hein. Ce n'est pas pour. Ça, je prends celui-là. Ouais, je veux bien que tu l'allumes. Tu l'allumes là. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc là, tu voulais nous montrer un tout petit peu avant, et puis Loïc, encore une fois, si vous avez des questions pour Loïc, on gardera un petit moment. Tu voulais nous montrer un petit peu, en fait, on voulait partir. Ouais, c'est toi qui m'as demandé. Non, mais quand j'ai dit tu voulais, j'ai dit de venir. Mais après, tu m'as dit, bah, tiens, pourquoi pas, on a fait montrer ce moment-là, un moment particulier. Oui, en fait, ce qui est intéressant, avec Franck Dion, c'est assez particulier parce qu'il nous arrive, il a déjà lui-même fait une espèce de maquette sonore pour son film. Donc, ça aide quand même sur la discussion, à voir les directions où il s'en va. Mais dans les deux films que j'ai fait avec lui, avec Edmond et lui, il y a toujours un moment où le personnage décroche et on va un peu dans sa tête ou sa perception. Et dans ce cas-ci, il ne voulait pas utiliser le moins possible de musique. Donc, je pense que j'ai. Ce qu'on peut aussi, on peut tricher aussi avec le son. Donc, je pense que je ne me souviens plus très, très bien parce que ça fait un petit bout de temps. Mais il me semble qu'on fixe sur une photo, un poster, on voit l'église, puis on devance un peu le son pour ensuite le filtrer, puis que ça aide dans la transition, rentrer dans la mémoire. Donc, ça se fait souvent, le pont se fait bien quand il y a une entrée musicale où on sort, où on tombe. Donc, la musique, souvent, est utile dans une telle sorte de transition. Et puis, il préférait pas de musique, mais je lui ai suggéré, parce que je trouvais qu'il manquait une espèce d'élément comique sans la musique que je lui ai proposé. Dont Pierre a finalement été très content. Ça traînait dans les archives de l'ONF, c'était le Bleu Danube. C'était pour mettre une espèce d'élément comique, mais suggérer aussi... Ah, c'était le bon temps, un petit peu de légèreté, parce que la scène, ça, vous verrez, coupe des têtes de poulet, ça pourrait être un peu macabre, sinon autrement, on ne sentait pas l'espèce de d'équilibre et d'harmonie familiale dans toute la chose. Donc, tout le mélange, je pense que c'est un moment de décrochage. On regarde un tout petit peu un extrait. C'est peut-être avant. Hop, t'as pas la musique, ok. C'est tout, ok. Vas-y. C'est le fichier, c'était là. Bah, ouais, c'est ça. Un petit peu avant. Ah. Ouais, de là. Ok, de là. Il me rappelle une histoire, ce poulet. Le jour où papa avait ramené un poulet à la maison, il lui avait coupé la tête, mais au fait, la bestiole était restée vivante. Il s'était même pris d'affection pour mon père qui avait fini par l'adopter. Pas rancunier, le poulet, hein. La bestiole le suivait partout, même à l'usine comme un kleps. t'es devenue la vedette du quartier. Comment il s'appelait déjà ce poulet? Bon, bref, un jour le chat l'a bouffé. Papa était inconsolable. Alors, il s'est enfermé dans la cuisine et là, pendant 2 jours, il a coupé des têtes de poulet à la chaîne. Il espérait tellement que le miracle allait se renouveler. Vous avez des portes à passer. Non, c'est juste un petit extrait. Puis, il y a un autre extrait où finalement le personnage s'endort et la tête en profite pour s'évader, quoi. Et ça, c'était fait, c'est intéressant, le fait finalement pour aider la transition. Donc là, il n'y avait pas de musique. On a tenté l'expérience et puis je pense que ça a fonctionné de recréer le train en bruitage. Et ce qu'il y a d'utile, ce qu'on fait, que Loïc fait sûrement aussi, c'est comme on enregistre les sons et après on peut varier, changer les vitesses, donc créer de la lourdeur, créer plein de choses, mais ça permettait de garder un peu l'élan du train, mais dans une autre perception. Et finalement, le son a servi ensuite pour le même comme fond dans le reste du film aussi. Peut-être qu'on entend, c'est assez subtil, donc je ne sais pas si au niveau de volume et dans le contexte, mais porter attention lors de la projection. C'est... Oui, c'est ça, on verra plus lors du son, plus ça, on ne va pas trop montrer. Oui, on va le voir. Il n'y a pas forcément de choses, je ne sais pas si c'est très court celui-ci, c'est peut-être 20 secondes. C'est ici, c'est à partir de là, on s'était dit 4h30. Ou à peu près. Ouais, et puis. J'ai hâte de voir. Non, après. J'ai emmené souvent ma fille quand elle était petite. J'ai envie de manger du poisson. Ça arrive. Il faut vraiment que je demande à ma grand-mère sa recette de la dorade. Évidemment plus facilement perceptible dans le 5 pouces. Et il y a quelque chose au départ aussi qu'on a recréé en mix, qu'on avait oublié, puis qui n'est pas commun, c'est que dans le dialogue, on entend s'éloigner. Quoi, ça marche assez bien. C'est les deux petits extraits. Merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai voulu laisser qu'il y a 3 invités par la suite. Je voulais savoir à quel point le réalisateur avait abouti en fait sa maquette son à l'animatique, s'il était vraiment pensé ou si c'est toi qui as réussi à trouver vraiment beaucoup les astuces que tu as mis en avant dans le film. Alors, de mémoire, moi je dirais qu'il y avait très peu de choses. Très peu de choses. Il n'y a même pas de voix, parce qu'en fait les voix sont arrivées quelques jours avant le mixage finalement. Donc il y a vraiment très très peu de choses. Est-ce que c'était précis quand même son intention sur les perspectives C'est vraiment, ça c'est né dans la discussion. C'est vraiment né dans la discussion et moi ça me paraissait comme une évidence de pouvoir travailler sur les points de vue justement. Donc, je pense qu'il avait envie de travailler là-dessus, mais il ne savait pas forcément comment. Il n'est pas là Jean-Charles pour lui demander. Non, il vient ici mais il n'est pas là. Ça nous aide bien à avoir l'empathie, connecter avec les personnages. Ouais. Est-ce que des fois, il n'y a pas de question, on a vraiment 5 minutes après, on va devoir passer, mais il y a un chapitre. Un petit peu rapide. Ouais. Non, alors moi je pensais, est-ce que des fois, il y a des gens du sein des années, ou quoi, c'est insupportable d'avoir justement un réalisateur qui vous donne quelque chose de déjà très très construit, enfin pas supportable en tout cas, y a chose, je sais qu'il y en a qui disent, oh, bah, si c'est trop trop précis déjà, ça ne fonctionne pas, bah, vos deux visions. Ouais. Le regard, il me regarde, on me dit non, qu'est-ce que tu c'est pas un problème quand la vision est claire. Oui, ce qui est plus difficile, c'est quand un réalisateur ne sait pas vraiment ce qu'il veut ou c'est quoi, c'est, son intention n'est pas claire, ça devient difficile à avoir un objectif, à viser quelque chose. Donc, ça prend plein de propositions, oui, non, pas celle-ci, pas celle-ci. Donc, c'est intéressant quand on a une vision comme assez claire. Ou dans la discussion, souvent, si ce n'est pas tout à fait clair, on va essayer de la définir. Je ne sais pas, Loïc, comment tu procèdes, mais souvent, on va essayer de cibler vraiment l'intention puis de la rendre. Moi, par exemple, j'étais embêté dans le cas du train, l'exemple du train. Quand le choix d'un son n'est vraiment pas adapté à la situation et que ce son-là est... comment dire, moteur de tous les choix qui vont suivre. Donc ça, c'est embêtant. Moi, c'est un truc qui m'a toujours marqué, Benoît Chieux et Damien Louche-Pélissier, ils avaient fait Patate, qui était un 26 minutes, qui était assez marrant, assez chouette et tout. Il y a un moment où les légumes s'évadent et donc ils avaient mis, je crois que c'était Popa Choubi ou Chuck Berry, donc un truc rythmé du rock que tout le monde connaît, tout le monde a un espèce de lien affectif avec ces musiques-là parce qu'on les connaît, etc. Et en fait, je me mets à la place du musicien quand on lui donne la séquence, quand on lui donne Popa Choubi ou Chuck Berry, et qu'on lui dit « Vas-y, démerde-toi, tu fais pareil, hein, mais il ne faut pas qu'il ait droit. » Je pense que ça, c'est hyper anesthésiant, créativement parlant. Je pense que ça l'est beaucoup plus pour de la musique que pour du son. Ça, ouais. Parce que les intentions qu'on peut mettre dans le son, je pense qu'on peut les percevoir comme des intentions, alors que dans la musique, on véhicule tellement autre chose que ça peut être vraiment hyper inhibant pour un musicien de réagir. Quoi. En fait, le meilleur commentaire, c'est de dire ce qui fonctionne dans la musique guide, recréer-le, mais ce n'est pas de copier, ou mais c'est d'aller chercher les éléments qui fonctionnent, soit le rythme, soit la sonorité, soit le... Je crois que c'est plus par rapport à l'effet au compositeur, en disant, si j'ai du Schubert, on va faire Schubert, ou Mozart. Après, quand on dit, tu vas faire ça, c'est... Oui, mais ça peut être fait d'une autre approche complètement, mais d'avoir le même, au final, d'arriver au même rendu, au niveau de l'émotion, au niveau de... Après, il y a quand même une difficulté, c'est que le montage image est fait là-dessus. Et quand c'est le cas, je trouve qu'on peut des fois tomber dans une espèce d'artifice de musique pour rattraper des choses que le montage... Donc des fois, ça vaudrait le coup que le montage image vienne se recoller sur la nouvelle musique, pour qu'on colle vraiment comme ça collait avec Popa Choubi. Enfin voilà. Sinon, je pense que c'est quand même parfois... Enfin, nous, on a eu des fois des trucs un peu difficiles. Mais ça fait qu'imposer un tempo. Est-ce que vous avez une question ou pas? Ouais. En fait, moi, je voulais dire par rapport au mondial, par rapport à la spatialisation, parce que je trouve ce que tu disais, Loïc, par rapport à la prise de l'oreille, où il y a une conscience du son. Il y a aussi une conscience de la spatialisation qui est moins en animation. Enfin, je parle des films qui se rapprochent aussi des cadrages où il y a un espace, des mises en place. Ça, c'est quelque chose qui possède aussi de Machu. Et je pense que c'est là aussi où, quand toi, tu interviens en amont dès l'animatique, ça nous oblige aussi même à se poser ces questions de mise en scène et à dire ok, si je demande ok, mais là, ton personnage, comment tu imagines ce que ton est-ce que du coup, est-ce qu'il est vivant pour rapprocher nous, en fait, ça nous oblige aussi. J'ai un petit commentaire sur ta question, parce qu'on peut, le cinéma général, mais spécialement l'animation, il y a une liberté, le personnage peut être loin, on peut l'entendre de très proche, on peut, en fait, le son aide beaucoup à guider l'œil dans l'image, dans l'histoire, donc on peut tricher allègrement si ça sert bien. Ben, où on veut aller, quoi. On n'est pas justement... c'est plus difficile en prise de vue réelle de ne pas coller sur ce qu'on est habitué, tandis que les références tombent un peu avec l'animation, puis le son vient une partie narrative, même du langage, peut remplacer dans des films sans parole. Pour moi, le bruitage peut presque remplacer la narration, à un moment donné. Disons que par rapport à la spatialisation, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a la position dans l'espace, qui est des fois, on peut avoir des aventures un peu malheureuses là-dessus, de trop vouloir paner, c'est-à-dire déplacer les personnages. Parce que je trouve que quand on travaille en déplaçant les personnages dans l'espace, il faut faire vachement attention que quand on voit l'image sans les sons qui bougent, ça a l'air bien. Et puis le mec sort à droite, on prend à gauche, il y a une espèce de frénésie de déplacement qui peut être des fois... moi, je suis tombé des fois dans ces travers-là. Ça demande à la mise en scène de vachement réfléchir à... quand je suis mon personnage, est-ce que je peux le suivre tout le temps? On en parlait avec Jean-Paul Hurier, qui est un super grand mixeur français, qui disait il y a une séquence, une longue séquence de 3 minutes dans lequel il commence à disposer les personnages dans l'espace parce que ça a l'air d'être bien, lui à droite, machin, tac. Et il suffit qu'au bout de 3 minutes, il y ait un plan pour qu'ils remettent tout en question et qu'ils remettent tout le monde au centre. Parce que le cinéma, souvent, l'information, elle vient du centre, l'information importante et sensible et émotionnelle ou quoi, elle vient du centre. Et de trop jouer à disperser le truc, il suffit qu'il y ait un plan qui ramène, qui rend déséquilibré pour qu'on remette tout à zéro. Voilà. Et après, alors ça, c'est la spatialisation des personnages, des actions, entendre des sons à droite, à gauche, derrière, devant, machin. Et puis après, l'espace, c'est vrai que je trouve que c'est vachement intéressant par le montage son, par les ambiances, de voir travailler sur la profondeur. Et donc de jouer par rapport à la mise en scène, on est proche, on est loin, et si on joue à être avec la caméra à ce moment-là, vraiment faire ressentir ça de façon complètement sensible, c'est-à-dire que personne ne prend conscience de ça, mais sentir que les espaces sont larges ou resserrés, etc. Ça, c'est vraiment un truc qui marche bien, je trouve, en anime, mais il faut être dans la salle et entendre en multicanal, il ne faut pas être sur YouTube, il ne faut pas être même au casque, parce qu'au casque, tout ça est faussé. Et vraiment, ça marche pour la salle et un peu pour la télé. Mais voilà, et je trouve que c'est vraiment un domaine important. Ouais. Vas-y. J'ai trois invités. Ça y est. Vraiment, pas de dernière question, super pertinente. Alors, ça, c'est sûr qu'il y en a plein. Je ne sais pas si c'est une question, on ne sait jamais. Je suis désolé, mais comme ça, on va avoir aussi évidemment une bonne heure et demie. Merci beaucoup. Merci à Loïc, à Pierre. Merci infiniment. Merci à tous les deux d'être venus.